Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le père Georges-Henri Lévesque et la construction du Québec moderne. Je croyais très fortement que l'université, les universitaires ne devaient pas rester dans une tour d'ivoire, qu'il fallait absolument descendre de sa tour d'ivoire pour rencontrer la population. Georges-Henri Lévesque à l'émission Documents en 1985, c'est toute une génération de Québécois que Georges-Henri Lévesque va encourager à partir à la rencontre de la population, pour reprendre ses mots. En créant la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval à la fin des années 1930, il se met à former des économistes, des sociologues, des démographes, autant de disciplines pour lesquelles à cette époque-là, il n'y a à peu près aucun débouché professionnel, mais qui vont permettre à l'université et aux universitaires surtout d'être en quelque sorte au service de la population. Un très grand nombre des artisans de la modernisation du Québec au moment de la Révolution tranquille seront d'ailleurs d'anciens étudiants de Georges-Henri Lévesque. Pourquoi vous êtes devenu dominicain? Vous allez voir, c'est un peu enfantin mon explication, parce que précisément ça date de mon enfance. Mmh. Dans ce temps-là, on disait à un enfant, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? D'habitude, on répondait un prêtre, un médecin, un avocat, un notaire, les professions reconnues. Mais moi, quand j'étais jeune, à l'école élémentaire des Frères Maristes, au début d'une année, j'avais peut-être 7-8 ans, je ne me souviens pas trop, nous avions des retraites du début d'année. Hein? Ouais. Et nous avions eu un prédicateur absolument extraordinaire. Et j'ai trouvé ça fantastique qu'un homme puisse influencer d'autres hommes. En prêchant, en parlant. En parlant. Ouais. Moi-même, j'étais très influencé, puis je me suis aperçu, en parlant avec mes petits camarades, qu'ils étaient très influencés aussi. Alors je me suis dit, c'est ça que je vais faire plus tard. Je vais faire un prédicateur. Le père Georges-Henri Lévesque, au micro de Gérard-Marie Boivin à l'émission « Il fait toujours beau quelque part » en octobre 1988. Pour nous rappeler l'importance qu'a eu Georges-Henri Lévesque dans la construction du Québec moderne, je reçois Jules Racine-Saint-Jacques, qui est responsable du service de recherche de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec et qui vient de publier le livre « Georges-Henri Lévesque, un clerc dans la modernité ». Jules Racine-Saint-Jacques, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. On a souvent parlé, Jules Racine-Saint-Jacques, du père Lévesque, de Georges-Henri Lévesque, comme de l'un des pères de la Révolution tranquille. Je sais que vous apportez quelques nuances à cette affirmation-là, mais plus largement, parlez-nous un petit peu de la place, de l'importance qu'il a eue, le père Lévesque, dans la construction du Québec moderne. Oui, bien, la Révolution tranquille a plusieurs pères, hein, de Georges-Émile Lapalme à Jean Lesage, en passant par Paul Sauvé. C'est une étiquette qu'on a aussi souvent voulu accoler au père Lévesque, mais le père Lévesque lui-même la refusait, on peut le penser, pour deux raisons, là, principalement. D'abord, il n'était pas sur le territoire québécois, hein, au moment des faits. Dans les années 60, le père Lévesque était au Rwanda, était parti fonder la première université du Rwanda. Oui. Et la Révolution tranquille, eh bien, il l'a renié largement à son retour. Là, on a des de sa part, qui dénonce un peu l'état de licence, l'excès de liberté dans lequel il retrouve le Québec à son retour. Malgré tout, il est indéniable que le père Lévesque a été un de ceux qui ont mis en place les conditions de possibilité de ce grand mouvement qu'on a appelé Révolution tranquille, grand mouvement d'émancipation économique, sociale, politique. En 2010, par exemple, à l'occasion du cinquantenaire de la Révolution tranquille, on a reconnu son apport en nommant l'un des 50 grands artisans de la Révolution tranquille. Sans doute, oui, pour ses idées, hein, pour son apport direct, notamment la décléricalisation de la société québécoise, oui. Mais sans doute aussi parce qu'un bon nombre de ses étudiants l'ont fait, eux, la Révolution tranquille. Michel Bélanger, oui. Roger Marié, Arthur Tremblay, Guy Rocher. Donc, on peut peut-être voir en lui davantage un grand-père de la Révolution tranquille qu'un paternel. Oui. C'est lui qui a formé, beaucoup des artisans, de ceux qui directement contribueront à la Révolution tranquille. À vous écouter, j'ai cette image, mais peut-être que certains de ses élèves ont dépassé le maître, sont aller trop loin au goût de Georges-Henri Lévesque. Ce qui est intéressant quand on parle de Georges-Henri Lévesque, Jules Racine-Saint-Jacques, c'est qu'au fond, on parle aussi d'une certaine élite intellectuelle catholique progressiste de cette époque-là qu'on oublie, dont on parle assez peu quand on parle de l'histoire du Québec. Parlez-moi de ça. Quelle place, quelle importance a cette élite-là d'avant la Révolution tranquille? Oui, ben, on identifie souvent l'Église dans la mémoire collective québécoise à une forme de bloc monolithique rétrograde, un peu réfractaire à tout changement. Hein. C'est l'Église réactionnaire, on pourrait dire, là, post-tridentine, là, qui vient après le Concile de Trente. Mais au sein de cette Église-là, se faisait quand même jour toute une mouvance qui appelait les autorités religieuses à prendre acte de la réalité sociale, hein, des changements introduits par le libéralisme. On pense à l'individualisme, l'industrialisation, le capitalisme, tout ça, tout ce qui entraînait en quelque sorte une dévalorisation du spirituel. Puis depuis 20 ans, ben, l'historiographie québécoise a quand même reconnu la présence de ce courant-là, notamment dans les mouvements d'action catholique. Moi, ce que j'ai voulu montrer à travers l'étude du Père Lévesque, c'est qu'il existait aussi des intellectuels proprement cléricaux et progressistes au sein de l'Église. Oui. Et que ces clercs-là ont eu un grand rôle à jouer, non seulement dans le devenir de l'Église, mais dans le devenir de la société québécoise tout entière, puisqu'on peut dire que les deux destins avant la Révolution tranquille sont intimement reliés. Oui. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans le parcours de Georges-Henri Lévesque, parlons d'un autre clerc, l'abbé Gros, parce qu'il me semble qu'avec le Père Lévesque, évidemment, les deux hommes sont différents, mais là où ils se rejoignent peut-être, c'est qu'ils sont parmi ces quelques clercs qui ont vraiment marqué les esprits de leur temps, sur le plan social, entre autres. Comment on peut les comparer? Bien, c'est deux géants, hein, vraiment. C'est deux... le père Benoît Lacroix, un autre dominicain très influent, les a comparés à des baobabs. C'est deux géants, oui, qui appartenaient quand même à des générations différentes. Hein. Gros est né en 1878. Le père Lévesque est né en 1903, donc il y a exactement 25 ans, une génération qui les sépare. Et les deux croient, on peut le dire, là, fermement à l'importance de l'engagement social des catholiques dans la société. Mais Gros, ben, c'est l'homme du national, hein, de la cause nationale. Pour lui, la langue est gardienne de la religion et la religion est gardienne de la langue, comme le veut l'adage. C'est un des fers de lance de l'Association catholique des jeunesses canadiennes françaises, hein, la CJC. Eh bien, au milieu des années 36, là, au milieu des années 30, lorsque les mouvements d'action catholique spécialisés sont en plein essor et que la CJC, elle, bat de l'aile, le Père Lévesque introduit comme une distinction entre... deux mouvements, donc le mouvement national et le mouvement catholique. Une distinction fondamentale qui vient contredire directement, là, frontalement, la vision de l'abbé Gros. Pour le dominicain, là, action catholique et action nationale sont deux choses très distinctes et on ne doit pas les conjoindre en un seul et même mouvement comme le fait l'abbé Gros. À partir du moment où le père Lévesque soumet cet article-là qu'il a rédigé en 1936, dans lequel il fait cette distinction-là, va s'engager un débat entre les deux hommes, débat qui a marqué l'histoire intellectuelle québécoise et qui va signaler un peu le déclin de Gros. Dans une de ses lettres, l'abbé Gros écrit au père Lévesque, dans un aveu quand même frappant, il dit, je cite, là, « Quant à moi, je vous l'avoue, je suis comme un homme qui aurait à redresser l'axe de sa vie. » Donc ça l'a vraiment, vraiment marqué. Et cet article-là va être tellement important qu'il va être mis sous le boisseau pendant 5 ans. Et ça va prendre 5 ans, donc en 1941, dans la Revue dominicaine, avant que l'article soit publié, puisque c'est encore trop marqué, trop fermement ancré dans les idées que les deux mouvements doivent vivre conjointement. Ouais. Parlons un petit peu du début de son parcours, du fait qu'il va choisir à un moment donné d'être prêtre, par exemple. Parlez-moi de sa jeunesse, de ses origines, de ce qui va le conduire éventuellement à entrer en religion. Oui, bien, le père Lévesque est né à Roberval, hein, sous le nom d'Albert Lévesque, en 1903, le 16 février. C'est le quatrième d'une famille de quand même nombreuse, de 15 enfants. Et puis, selon ses propres mots, ben, ses parents étaient profondément chrétiens, mais sans être le moindrement bigots. Hein, c'était pas des grenouilles de Bénitier. Ouais. Mais il faut se replacer dans le contexte. Dans le Québec des années 20, la carrière ecclésiastique, ça apparaît non seulement comme un cheminement naturel à plusieurs, mais comme une avenue intéressante et prestigieuse, hein, qui est toute désignée pour un jeune ambitieux, avide de parvenir, comme le jeune Albert Lévesque. Oui. Et depuis une retraite avec un frère prêcheur, donc un dominicain, c'est à partir de ce moment-là qu'il veut devenir lui aussi un père qui prêche. Et il va le devenir, mais il va aussi, et ça va faire partie de son parcours, le fait qu'il devienne formateur passe déjà par le fait que lui-même va se former, il va partir en France, faire des études. Et quand il revient, Georges-Henri Lévesque, au Québec, il arrive dans un contexte où, comme beaucoup de monde, on est au début des années 30, donc en pleine crise économique, on cherche une troisième voie entre capitalisme dur et le communisme, à l'époque, qui dans certains milieux est assez populaire. Il va choisir le coopératisme. Parlez-moi de ça. Comment il en vient à se tourner vers ce modèle du coopératisme? Mais le coopératisme le frappe comme une option au moment où il rentre en 1932. Il est frappé par la crise économique. Hein. Puis la crise économique, l'époque économique, c'est aussi une crise de sens pour de nombreux intellectuels hein, qui cherchent une troisième voie, là, vous le dites vous-même, entre le communisme vicieux et le capitalisme vicié. Ce sont leurs mots. Puis ben, la troisième voie qui est privilégiée par la plupart de ses contemporains, ben, c'est le corporatisme. Un corporatisme qui propose un rôle très subsidiaire à l'État, hein, que l'État ne doit intervenir que lorsque toutes les autres associations qui entourent l'être humain, qui entourent l'individu, ont failli à leur tâche. Et le père Lévesque, lui, ne se satisfait pas de cette solution-là. Pour lui, le coopératisme offre une véritable planche de salut, non seulement aux Canadiens français, mais à l'ensemble de l'humanité, parce que le coopératisme décourage pas le profit, mais le redistribue équitablement. Mm-hmm. Le coopératisme ne décourage pas l'initiative individuelle, mais au contraire, encourage le travailleur à travailler non plus seulement pour lui-même, mais pour tout le monde. Puis le coopératisme, ben, c'est le seul modèle, selon lui, qui est véritablement démocratique, parce que dans le coopératisme, chaque personne a un vote, donc participe au devenir de l'entreprise coopérative. Donc ça vient vraiment concilier pour lui l'intérêt individuel valorisé par le capitalisme et le bien commun défendu par le socialisme. Un capitalisme plus humain, en fait, on pourrait dire. Et ça va faire partie, cette notion d'humanisme, ça va faire vraiment partie de son enseignement et c'est beaucoup à l'École des sciences sociales de l'Université Laval que ça va se passer. Cet enseignement du père Lévesque. Il crée cette école en 1938. Ça va devenir plus tard la Faculté des sciences sociales. C'est probablement son legs le plus important. On l'écoute en parler à l'émission La vie quotidienne en 1979. Qu'est-ce qui se passait aux sciences sociales à ce moment-là? On a l'impression que tous les jeunes là, qui avaient des choses à dire, qui voulaient les exprimer, ils se retrouvaient là. Les étudiants en droit se retrouvaient chez vous. C'était quelque chose d'exceptionnel. Ça arrivait pour la première fois. Et ensuite, il fallait la fonder dans l'opinion publique aussi, parce que dans le public, on disait « Mais qu'est-ce que ces gens-là vont faire? Il n'y a pas de profession d'économiste, il n'y a pas de profession de sociologue, il n'y a pas de profession de démographe. Alors, ces gens-là vont devenir des chômeurs et des chômeurs intellectuels. Instruits, mais... C'est toujours un peu dangereux. » Ce qui m'a le plus frappé de mon expérience d'étudiant, c'est le climat que le père Lévesque avait réussi à créer parmi ces idées que le père Lévesque avait lancées. Je veux mentionner la considération du pauvre, non pas comme un paresseux, mais comme une victime de conditions économiques, la considération de la fille mère, non pas comme une pécheresse à punir, mais comme une malheureuse à secourir, celle du criminel, non pas comme étant à écarter et à punir, mais comme étant un malade à soigner et réhabiliter. Enfin, celui que, à la charité isolée qui avait prévalu jusque-là, devait succéder une charité organisée, susceptible de faire face efficacement aux problèmes massifs posés par notre société. Roger Marier, un ancien étudiant de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, dans un reportage diffusé en 1958 à l'occasion du 20e anniversaire de la Fondation de la Faculté. Juste avant, vous entendiez le père Lévesque à l'émission La vie quotidienne en 1979. Donc, on le comprend assez clairement avec ces deux extraits qu'on vient d'entendre, Jules Racine-Saint-Jacques. La création de cette école des sciences sociales de l'Université Laval en 1938, c'est en soi une petite révolution. Dans quel contexte le père Lévesque crée cette école et surtout quel impact elle aura pour la suite des choses? Oui, bien, la fondation de l'école s'inscrit directement dans les suites de la crise économique. Hein, l'ampleur de la crise puis la complexité des enjeux sociaux dans les années 30 appellent, selon lui, selon le père Lévesque, à une étude plus systématique, plus rigoureuse du fait social. Puis par son enseignement, l'École des sciences sociales, politiques et économiques de l'Université Laval, qui fonde en 1938, va ajouter aux bonnes intentions des âmes charitables, on entendait M. Marier en parler, un supplément de compétences qui fait souvent défaut aux œuvres sociales dans le Québec des années 30. différentes. Ce qui ne veut pas dire que l'école perd de vue la doctrine sociale de l'Église, hein, qui était un dogme, presque une doctrine sacro-sainte à l'époque, mais la sociologie lavalloise repose sur une ambivalence fondamentale entre la science sociale et la philosophie sociale, entre le jugement de fait et le jugement de valeur, en somme. Les deux sont également importants et doivent être enseignés, mais ils procèdent de deux moments distincts dans le cycle de vie du savoir, selon le Père Lévesque. Puis c'est ce qui va expliquer jusqu'à la fin. Il faut d'abord connaître les faits méthodiquement, scientifiquement, avant de pouvoir agir sur eux dans l'esprit de la morale chrétienne. C'est comme ça qu'on forme de véritables chrétiens, selon lui. Puis c'est dans cet esprit-là que le Père Lévesque a fondé et dirigé sa faculté et va former toute une série d'agents de changement social, comme on l'a dit au début de l'entrevue. Des gens qui seront parfois en politique, parfois dans l'administration publique. Beaucoup de syndicalistes aussi vont passer par cette école des sciences sociales. Cela dit, les vues progressistes du Père Lévesque indisposent sa hiérarchie, en tout cas une partie de sa hiérarchie au sein de l'Église, ce qui fait qu'il y aura des relations très, très tendues parfois entre le Père Lévesque et sa hiérarchie. Parlez-nous un petit peu de cette relation-là. Bien, écoutez, je ne sais pas si les relations ont été tendues tout au long de sa carrière. On se rappelle qu'à son entrée dans le champ intellectuel québécois, donc en 1933, le Père Lévesque est invité à prendre part à la Journée des 13, hein, qui rassemblait un peu tout le gratin de l'Église québécoise. Donc, il était quand même, somme toute, assez bien vu, mais il y a clairement quelque chose qui se brise entre le Père Lévesque et une part du clergé québécois en 1946. C'est à ce moment-là que débute le conflit entre lui et la frange clérico-nationaliste des responsables ecclésiastiques et politiques québécois. Ça va aller si loin qu'il y a deux procès qui vont être intentés contre le Père Lévesque devant les autorités romaines, le premier en 1947 et le deuxième en 1949. Pour comprendre la source du conflit, là, je pense qu'il faut remonter à décembre 1945, quand le Dominicain fait paraître un petit article dans la revue Ensemble du Conseil supérieur de la coopération, un article qui dit une chose toute simple, ou qui aujourd'hui pourrait même paraître banal, mais qui à l'époque a provoqué quand même de grands remous. Père Lévesque explique que les coopératives, qui sont des entreprises essentiellement économiques, ne peuvent être dites neutres ou confessionnelles, mais qu'on doit plutôt les considérer comme des organisations non confessionnelles, c'est-à-dire comme des entités guidées par les principes du catholicisme, mais qui ne s'affichent pas ouvertement comme catholiques. Oui. Puis ben, ce jugement-là va conduire là, aux deux procès. L'affaire est transportée à Rome, puis il va mettre en cause non seulement l'article lui-même, mais la position du Père Lévesque au sein du champ clérical et universitaire plus largement. Les accusateurs là, vont faire démettre le Père Lévesque de ses fonctions à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, là, parce qu'en gros, on veut sa tête. Le Père Lévesque va s'en sortir, non sans effort, mais l'affaire va laisser des traces durables sur le clergé. Puis, c'est là, en quelque sorte, en 1945, qu'éclot le germe d'une sortie religieuse de la religion. Puis, ce germe-là va pousser par la suite. Oui. Donc, si cet épisode montre bien que parfois la relation sera tendue avec le clergé, entre Georges-Henri Lévesque et sa hiérarchie, juste à côté de cette hiérarchie d'Église catholique au Québec du temps, il y a cette figure incontournable, Maurice Duplessis, et là aussi, ça va parfois provoquer des flammèches entre le Père Lévesque et Duplessis. On écoute le Père Lévesque à ce sujet, à l'émission Documents, présentée à la défunte chaîne culturelle de Radio-Canada en 1985. Beaucoup de gens pensent que ça a été une hostilité personnelle entre les deux hommes. C'est pas ça du tout. Hein. Quand on se rencontrait, même au milieu des grosses batailles, qu'on était seulement tous les deux, on rigolait ensemble. Hein. Mais aussitôt qu'il devenait le chef de l'État, c'était autre chose. Et alors là, il y allait avec toute sa personnalité, qui était une personnalité foncièrement individualiste. En face de lui, il y avait le doyen de la Faculté des sciences sociales, en l'occurrence Georges-Henri Lévesque, qui représentait le social. Alors, ces deux idéologies qui s'affrontaient continuellement. Déjà, il y avait une opposition là, fondamentale entre les deux hommes, même sans qu'ils disent un mot. Et alors, quand je commençais à parler, ben, je faisais des conférences sociales, pour le bien-être de la population, pour l'augmentation des salaires, pour les organisations syndicales. J'allais dans des congrès syndicaux, dans des congrès patronaux, j'allais toujours des deux côtés. Et ça remontait au Parlement, et puis ils voyaient une attaque quand ce n'était pas conforme à leur politique. Ils attaquent le gouvernement, et puis ils font de la politique, et puis etc. Alors, comment va se traduire concrètement cet affrontement idéologique entre Maurice Duplessis et Georges-Henri Lévesque et Jules Racine-Saint-Jacques? Oui, ben, ça a beaucoup marqué l'imaginaire québécois, hein, cet affrontement-là. Ce qu'on sait, c'est que, puis le père Lévesque le mentionne dans l'extrait que vous venez de jouer, c'est que les choses vont relativement bien entre les deux hommes, même au plus fort du conflit. Mais surtout, avant 1949, il n'y a absolument aucun problème entre l'Union nationale, le parti de Maurice Duplessis, et la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Ce qui change en 1949, c'est que le père Lévesque est nommé membre de la Commission royale d'enquête sur l'avancement des arts, des lettres et des sciences du Canada, la fameuse commission Massé, une commission initiée par le gouvernement libéral de Louis Saint-Laurent à Ottawa. Puis donc, cette commission-là est vue comme une entreprise de centralisation qui est inadmissible pour le gouvernement autonomiste de Maurice Duplessis. Vraiment, on peut le voir comme un conflit idéologique. Le père Lévesque le mentionne. Effectivement, Duplessis, c'est le chantre de l'autonomie des provinces, farouchement anticommuniste. Puis d'autre part, bien, il y a le père Lévesque, hein, qui est centralisateur, puis qui promeut l'interventionnisme de l'État fédéral au Québec, à travers le financement des universités notamment. Cette lecture-là me semble un peu partielle. Moi, je soutiens qu'on doit moins voir Duplessis comme un idéologue que comme un politicien. Oui. Pour lui, la politique, c'est un jeu avec des règles qu'on peut respecter, tordre ou transgresser. Il le dit lui-même, il s'entend très bien dans le privé avec le père Lévesque, mais c'est quand il fait œuvre publique, quand il s'affiche en public, que Duplessis se montre contre le père Lévesque. Le jeu, il comprend des alliés et des adversaires qu'il faut battre. L'idéologue, lui, il y a des ennemis qu'il faut éliminer. Duplessis et Lévesque n'étaient pas des ennemis. C'est Lévesque lui-même qui l'affirme. Oui. C'était des adversaires. Et quand le père Lévesque joint les rangs de la commission Massé en 1949, il se déclare ouvertement proche des libéraux et donc comme un adversaire farouche du gouvernement de l'Union nationale. Et à ce moment-là, il devient vraiment un opposant du gouvernement de Maurice Duplessis. Et c'est là que s'enchaînent toutes les menaces de couper les subventions à la Faculté des sciences sociales, oui. de miner donc la crédibilité du père Lévesque, de lui intenter des procès, etc. Il reste peu de temps à cette émission, Jules Racine-Saint-Jacques. Un petit mot en terminant quand même sur ce qui reste de cette figure, celle de Georges-Henri Lévesque dans le Québec d'aujourd'hui, quant à son héritage, quant aux souvenirs qu'on a gardés ou pas de lui. L'héritage est réel, hein, il est indubitable. Le Conseil supérieur de la coopération, je n'en ai pas beaucoup parlé, ça a été fondé en 1939 par le père Lévesque, ça existe encore de nos jours sous le nom du Conseil québécois de la coopération, de la mutualité. La crise de la non-confessionnalité des coopératives, ça a marqué en quelque sorte l'origine cléricale du débat qu'on vit encore aujourd'hui au sujet des signes religieux. La Faculté des sciences sociales est toujours un des principaux foyers de rayonnement de la sociologie québécoise. Donc il y a quand même beaucoup de Québécois, de Québécoises de sa génération et de la génération subséquente qui se souviennent encore aujourd'hui du père Lévesque, mais il n'y a assurément pas la notoriété d'autres personnages illustres de notre histoire. Et bien, moi, j'espère humblement que mon livre va continuer à contribuer à mieux le faire connaître et à pérenniser en quelque sorte sa mémoire. Jules Racine-Saint-Jacques, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes responsable du service de la recherche de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. Merci. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.